Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Enchanté, moi c'est Xavier, bienvenue sur le podcast de la connaissance, de la réflexion sur notre société actuelle ou encore des petits souvenirs de jeunesse. Avant d'aller plus loin, nous allons commencer par une petite citation. La députée Corinne Lepage a dit « L'école contribue à la prospérité des sociétés, à l'élimination des discriminations de toutes sortes, à la défense de la paix et du bien commun, à la meilleure compréhension des peuples ». Dans cet objectif-là, nous allons essayer de voir si la discrimination sociale est un fait réel de notre société ou alors simplement si la complexité de la non-acceptation envers autrui. La dernière fois, on avait abordé le sujet du célibat et de sa complexité. J'espère que le dernier podcast vous aura aidé un petit peu. Donc maintenant, nous allons aborder un nouveau thème de société. Et cette fois-ci, on va aborder le sujet de la discrimination sociale. Voir un petit peu sous quelle forme est-ce que cela peut se traduire. Pourquoi est-ce que l'on peut arriver à ce niveau-là? Ou alors simplement savoir qu'est-ce qui fait que dans notre éducation, on arrive à l'âge adulte et on arrive à mettre des barrières par rapport à toutes les personnes qui nous entourent. Qu'est-ce qui fait que leur différence par rapport à nous fasse que l'on ait vraiment du mal à se rapprocher d'eux? Pour essayer d'analyser et de comprendre tout cela, nous allons séparer ce podcast en quatre parties. Dans une première partie, nous allons aborder tous les types de discrimination qu'il peut y avoir dans notre société actuelle. Quels aspects les discriminations sont les plus visibles en ce moment? Dans une seconde partie, nous allons voir sous quelle forme est-ce que cela peut être vu ou alors est-ce que cela peut être mis en action malheureusement. Nous allons aussi aborder les sanctions qui peuvent être encourues au niveau de la loi. Dans une troisième partie, nous allons essayer de comprendre pourquoi ou alors qu'est-ce qui fait que dans notre éducation ou alors dans notre passé, on arrive à un tel point du rejet de l'autre. Qu'est-ce qui peut faire que l'on puisse passer à l'action et savoir comment est-ce que cela se traduit concrètement sur le terrain? Dans une quatrième partie, nous allons voir, au contraire de tout ce que l'on a vu auparavant, quels sont tous les points positifs qu'il peut y avoir quant au fait de connaître, échanger, rencontrer des personnes qui sont totalement à l'opposé de toutes nos convictions originelles, de toutes nos pensées passées, et en quoi le fait de côtoyer des personnes qui sont totalement différentes de nous peuvent totalement nous enrichir, aussi bien physiquement que psychologiquement que mentalement, aussi bien par rapport à notre vision du passé que par rapport à notre présent et surtout par rapport à notre avenir. Donc, dans la première partie, nous allons voir tous les types de discrimination qui peut exister. Pour les discriminations les plus courantes, il peut y avoir la discrimination par l'âge. Traduction, ce sont les personnes qui sont sur un âge avancé. Les origines ethniques, c'est en fait le pays de provenance. La couleur de peau, noir, blanc, jaune, tout ce que l'on veut. Le patronyme, ce sont toutes les personnes qui ont des noms à consonance étrangère. L'apparence physique, la taille de la personne, l'obésité, la calvitie, le physique d'une manière globale. L'orientation sexuelle, homo, hétéro, bi. Les croyances religieuses, catholiques, chrétiens, musulmans, bouddhistes. La langue d'origine, ce sont en fait toutes les autres langues du monde autres que le français. L'identité du genre, homme, femme, transsexuel. L'appartenance ou la croyance à une prétendue race. Traduction, ce sont toutes les personnes qui croient qu'il y a des races différentes sur Terre. Ou alors il peut y avoir les discriminations plus sournoises, les plus rares. On peut déterminer les activités syndicales, CGT, CFDT, et le fait d'appartenir à un syndicat peut être un rejet professionnellement, les opinions politiques, droite, gauche, ainsi que leurs extrêmes, les lieux de résidence, villes ou régions d'habitation réputées à risque, les mœurs, c'est ce qui constitue soi-disant une moralité sociale, les caractéristiques de langage, le bégaiement, zozotement et autres, et la situation familiale, marié, célibataire, veuf. Tout ce type de discrimination peut avoir un impact sur tout ce qui nous entoure. Et en fait, il faut bien se rendre compte que chacun d'entre nous, nous avons une de ces particularités. Donc, ça veut dire que nous sommes tous susceptibles d'être rejetés par des personnes qui sont autour de nous. Maintenant, la chose qu'il faut prendre en compte, c'est que chacune de ces discriminations peut amener à des souffrances. Simplement, si on se reconnaît dans certaines de ces discriminations, on peut vraiment se sentir visé, mais visé vraiment profondément. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'on ne peut pas faire de hiérarchie dans ces discriminations. Une souffrance est une souffrance par principe. Et la perception que l'on a chacun de nos problèmes, ou alors de notre vision de la chose, sera toujours perçue différemment par les personnes qui nous entourent, ou alors par les personnes qui nous descendent. Maintenant, c'est savoir comment est-ce que l'on doit réagir à cela. Il y a beaucoup de personnes qui peuvent simplement nous toucher physiquement, intellectuellement, moralement, mais ne pensant pas faire de mal. Pourtant, cela nous vise énormément. Ce qui peut être très simple et très light pour eux, cela nous touche au plus profondément de nous et nous ramène sur les côtés les plus néfastes ou les plus profonds de ce que l'on est, qui on est, d'où est-ce que l'on vient. Et cela peut se traduire malheureusement par des actes ou alors par des paroles qui dépassent largement nos pensées. Même pour certaines personnes, cela ne dépasse pas les pensées, mais ils ont besoin d'agir physiquement. Et c'est là l'erreur. Maintenant, il faut essayer de prendre du recul sur tout ça et essayer de penser et de voir comment est-ce que l'on peut agir pour faire en sorte de calmer les personnes qui sont en face de nous, pour essayer de leur faire comprendre à quel point est-ce que ce qu'ils disent et ce qu'ils font peuvent nous toucher et peuvent nous descendre. Mais il faut voir aussi justement, et on va essayer de voir maintenant, dans cette seconde partie, comment est-ce que cela se traduit en ce moment dans notre société actuelle. Être tout à fait honnête avec vous, je pense que cela sera compliqué de pouvoir déterminer que telle action est la conséquence de telle discrimination, tout en sachant que plusieurs actions et plusieurs paroles peuvent être la conséquence de plusieurs discriminations qui sont à l'origine. C'est pour cela que sur ce principe-là, nous allons essayer de voir le panel général des différentes actions qui sont mises ou alors qui sont commises dans notre société actuelle. Il faudra vraiment prendre conscience que tout ce qui sera dit comme suit n'est pas du tout dans un but de prendre en exemple pour des faits qui pourraient être mis en cause plus tard. Nous avons pris en fait ces exemples-là tirés de livres, de journaux, d'extraits, de faits divers ou alors de faits de société qui se sont déroulés plus ou moins récemment. Tout cela à titre d'exemple, mais pas du tout dans un but de prendre cela comme fait et de vouloir reproduire cela. C'est vraiment pour traduire et pour pouvoir mettre en évidence jusqu'où des discriminations peuvent aller et comment est-ce que certaines personnes peuvent agir et quelles conséquences cela peut avoir. C'est vraiment important de bien faire la différence entre les deux. Les discriminations peuvent être au niveau de la parole. Cela peut être dans le sens « tu n'es pas comme moi, je suis supérieur à toi, tu n'es pas normal, tu es contre nature, tu es trop foncé, tous ceux qui sont comme toi, vous n'êtes que des voleurs, vous n'avez rien à faire ici, partez d'ici, ta couleur n'est pas normale, je ne vais pas t'employer par rapport à d'où tu viens, je ne veux pas d'étrangers ici, tu ne parles pas assez français, débrouille-toi, les hommes et les femmes ce n'est pas pareil, vous êtes inférieurs à nous, on sait d'où est-ce que tu viens, on ne veut pas de ça ici, tu n'es pas très normal. » Je ne veux pas de ton genre à côté de moi. Tu es trop vieux pour être ici. Il faut laisser de la place aux jeunes. Ton nom n'est pas très français quand même. Ta religion n'est pas comme la mienne. Moi, je crois mieux en Dieu que toi. Et ton Dieu n'est pas le même que le mien, et le mien est le meilleur. Ou alors le mien est le plus stable, contrairement au tien. Il peut y avoir les insultes. Genre sale, pauvre, espèce de... Tout cela, ce sont des exemples par les paroles. Mais il peut aussi y avoir les actes physiques. Les agressions dans les coins de la rue, choper quelqu'un qui a une couleur de peau différente du tien, choper quelqu'un qui a une couleur différente de la nôtre et le coincer dans une rue pour le tabasser, pour lui planter un couteau, pour le menacer ou pour le tuer. Il peut y avoir le viol, où à ce moment-là on dit à la personne violée « Tu mérites ça, c'est ton rôle, c'est normal, tu aimes ça ». Il peut y avoir les actes de vandalisme, le fait de cramer l'habitation, la voiture de la personne visée. Au niveau professionnel, il peut y avoir la descente en échelon, la rétrogradation, Ou alors le fait de rester stable alors que tous les autres évoluent professionnellement, et le fait de rester au même niveau professionnel alors que l'on voit toutes les personnes autour qui évoluent. Il y a aussi le fait de brûler et de cramer des personnes ou des symboles par rapport aux croyances des personnes qui sont visées. Il peut y avoir les regards insistants, regarder très lourdement quelqu'un parce qu'il se tient d'une façon qui n'est pas comme on le pense, ou alors comme quelque chose qui n'est pas normal, ou il y a simplement l'ignorance, le fait de ne pas vouloir aller vers la personne, ne pas vouloir le ou la connaître, et passer à côté et s'en fiche totalement. L'ignorance n'est pas le pire, mais ça en fait partie. Parmi tout ce qui a été cité précédemment, nous avons vu les différents types de discrimination, mais vous avez pu voir qu'il y a certaines choses qui relèvent des crimes. Il faut vraiment prendre conscience que les discriminations peuvent amener au crime. C'est pour cela que c'était important de pouvoir démontrer ce qu'il pouvait y avoir à l'extrême. Les discriminations peuvent être simplement des paroles et aussi des actes, sauf que les actes peuvent dévier. Par rapport aux sanctions vis-à-vis des discriminations à proprement parler, le guide des discriminations dit exactement cela. La discrimination est un délit. Au terme de l'article 225.2 du Code pénal, toute personne physique coupable de discrimination risque jusqu'à 3 ans d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende. La sanction peut aller jusqu'à 5 ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende pour les discriminations commises dans des lieux accueillant du public. C'est donc exactement pour cette raison-là qu'il faut vraiment essayer de prendre du recul sur toutes les personnes qui nous entourent, surtout à partir du moment où l'on voit tout ce que l'on peut encourir, et surtout si simplement à la base, c'est pour une histoire de non-compréhension vis-à-vis d'autrui. Dans la troisième partie qui va venir, nous allons essayer de comprendre pourquoi et dans quel contexte est-ce que les discriminations que l'on peut avoir envers d'autres personnes peuvent venir à nous. Qu'est-ce qui fait que dans notre éducation, on puisse arriver à cela? Mais avant d'aller plus loin, nous allons nous faire une petite pause musicale. là, nous venons d'écouter la musique Memories of You du groupe Day Fox. Et maintenant, nous allons arriver sur la troisième partie. Donc, dans ce moment-là, nous allons voir les raisons pour lesquelles notre regard envers autrui peut nous amener à certaines discriminations envers eux. Il peut y avoir plusieurs raisons qui se traduisent par cela. Cela peut être, par exemple, certaines agressions que l'on a subies plus ou moins récemment. Et à partir de ce moment-là, dès que l'on sort, dès que l'on fait quelque chose à l'extérieur, ou alors dès que l'on est en contact avec quelqu'un d'autre, cela peut amener à de la méfiance. Et justement, cette même méfiance peut se traduire par de la distance, des on-dit et de la discrimination. L'autre point peut amener à cela aussi, peut provenir de notre éducation. Il suffit simplement que lorsque l'on a été enfant, nous soyons éduqués dans un cocon familial plus ou moins aisé, ou alors avec certaines valeurs, il peut y avoir du rejet par rapport aux personnes qui n'ont pas eu la chance d'avoir ce type d'éducation. Traduction, les personnes qui ont eu un manque énorme d'éducation ou de vie sociale, ou alors de principes sociaux. En cela, les valeurs que l'on nous a inculquées ne sont pas toujours obligatoirement faciles à mettre en place. À partir du moment où l'on a en face de soi des personnes provenant d'un cocon familial ou d'un milieu éducatif totalement différent du nôtre. Un des autres points qui peut amener à de la discrimination, cela peut être aussi au niveau professionnel. Dans le sens où, supposons que l'on soit 4 ou 5 employés qui arriveront dans une entreprise X et que l'on voit les 3 autres personnes évoluer professionnellement, changer de grade, changer de salaire, devenir chef de service, alors que nous, nous restons au même stade, à ce moment-là, il peut y avoir de l'injustice. Et à partir du moment où il y a de l'injustice, le pas pour arriver à la discrimination est vraiment très proche. Cela peut se traduire par des réflexions ou des attentions portées sur le physique, sur le côté pas normal, sur la jalousie des personnes qui ont pu évoluer professionnellement, alors que nous, nous restons au même grade et au même stade. Mais bien sûr, toujours sur le côté professionnel, on peut aussi se mettre de l'autre côté de la barrière. Dans le sens, à partir du moment où il y a un patron qui est en face de nous, s'il veut agrandir son équipe, choisir de nouveaux employés, à ce moment-là, il peut faire de la discrimination plus ou moins directe. Ça veut dire qu'il va choisir certaines personnes par rapport à des profils qu'il veut, et ça veut dire qu'il peut éviter soit des personnes qui sont trop minces, trop grosses, des personnes noires, des personnes blanches, tout type de personne qui fait que par rapport au profil qu'il souhaite, il va essayer de choisir quelque chose ou quelqu'un qui va vraiment correspondre à ce qu'il veut. Mais malheureusement, ce sera toujours aux dépens de la discrimination par rapport à certains aspects physiques ou intellectuels que la personne aura. Un autre point qui peut jouer aussi par rapport à la discrimination sociale, ça peut être la différence de classe sociale, dans le sens où, à partir du moment où vous avez en face de vous deux individus, une personne qui a une culture, un savoir, des connaissances et une éducation qui les amène sur des postes assez élevés ou alors sur des niveaux de vie qui sont assez importants et assez élevés, ces mêmes personnes-là auront toujours du mal, à l'heure actuelle, dans notre société actuelle, à se mélanger avec des personnes de classe sociale plus ou moins moyenne, voire défavorisée. Pour je ne sais pas quelle raison, en France, il y a une certaine catégorie de personnes qui ont la faculté de pouvoir mélanger et différencier les différentes classes sociales. Les personnes riches, cultivées, fortes du point de vue de la société, veulent souvent rester sur une place un petit peu aisée en fait. Et bizarrement, les personnes qui viennent de milieux un petit peu plus défavorisés n'arrivent pas obligatoirement à se projeter avec eux. Et malheureusement, j'ai l'impression que les deux niveaux de classe sociale ne cherchent pas vraiment à se mélanger. Il peut y avoir des espèces de petits épiphénomènes de personnes qui arrive à passer d'un camp à l'autre, mais j'ai l'impression que c'est assez rare. Et j'ai l'impression que c'est peut-être la chose qui est lourde en France, c'est le fait qu'il n'y ait pas de mélange sociaux. Mais ce qui est bizarre, c'est qu'en France, j'ai l'impression qu'il n'y a pas vraiment de mélange socio-éducatif. J'essaye de mettre cela en avance par rapport aux différentes classes sociales, par rapport à des personnes qui ont des trains de vie aisés, d'autres moyennes, et d'autres assez pauvres. Malheureusement, de nos jours, en France, les trois niveaux sont toujours différents, sont toujours différenciés, ce qui est vraiment dommage. J'espère que cela va évoluer avec le temps. Un des cas que l'on peut prendre aussi en compte, ce sont par exemple les personnes qui n'ont pas beaucoup de vie sociale, ou alors les personnes âgées, les personnes dépendantes, qui ont la faculté, plus ou moins bonne, de passer du temps à regarder de la télé. Il y en a beaucoup qui regardent beaucoup les informations, et même des fois, les chaînes comme CNews, BFM et autres, qui sont des chaînes d'infos 24h sur 24. On peut trouver aussi des équivalents pareils à la radio, bien sûr. Mais c'est vrai que lorsque l'on regarde des trucs comme cela, ou que l'on entend des stations comme celle-là, cela peut nous donner une vision assez anxiogène de tout ce qu'il peut y avoir autour, des personnes qui sont autour. Cela peut donner une vision très négative ou très néfaste des étrangers, des hommes, des femmes, de la vie en société, de la vie en entreprise, de l'homosexualité sur certains points, de la religion aussi. Et tout cela peut amener à de la discrimination qui est quand même plus ou moins visible. Et malheureusement, je pense que les personnes qui regardent ça prennent ça pour argent comptant. Et ils ne prennent pas obligatoirement du recul. Et je pense que ça peut amener à de la discrimination aussi. Tout ce qui est média d'une manière globale, mais média qui peut être beaucoup parti pris. Je pense que tout cela peut amener à de la méfiance, à de la défiance et de la distance avec l'extérieur. Et maintenant, dans la prochaine partie, nous allons essayer de voir un petit peu tous ensemble qu'est-ce que l'on peut mettre en place autour de nous, ou alors qu'est-ce qu'il peut y avoir autour de nous pour essayer de se mélanger un petit peu plus. Éviter qu'il y ait trop de discrimination. Qu'est-ce que l'on a comme moyen institutionnel autour de nous pour pouvoir nous défendre si jamais on est confronté à cela. Qu'est-ce qu'il peut y avoir comme environnement pour nous entourer et qui puisse nous aider un petit peu à trouver de la cohabitation, toujours dans le respect et en même temps essayer de pouvoir se comprendre l'un l'autre. Il y a tellement de façons de pouvoir arrêter tout type de discrimination. Je pense que déjà, à la base, il faut déjà s'ouvrir. S'ouvrir à tout ce qui peut nous entourer. Ça veut dire que sur le principe, déjà, l'un des premiers points, c'est arrêter de s'arrêter sur la couleur de peau. Avoir une couleur de peau différente ne veut pas dire obligatoirement venir de milieux défavorisés, pauvres, sans éducation, sans rien. Il y a beaucoup de personnes étrangères qui sont venues en France pour apporter une certaine culture, des connaissances, et qui peuvent vraiment enrichir notre pays. Et en cela, c'est vraiment une richesse qui est vraiment très importante pour nous tous. Quelles que soient nos origines, quel que soit notre milieu de vie, quelles que soient nos circonstances de vie, et quels que soient nos passés. On sait très bien que, comme dans toute société, il peut y avoir des brebis galeuses, ou alors des personnes qui veulent profiter du système. Mais je pense que c'est quand même de la facilité de vouloir mettre souvent les mêmes personnes du mauvais côté de la barrière. Car à côté de cela, il y a quand même énormément de personnes qui veulent enrichir le pays qu'elles intègrent et simplement pouvoir à ce moment-là leur apporter tout ce qu'il faut pour pouvoir grandir mutuellement. Ce que l'on peut faire aussi, c'est intégrer des associations. Il y a tellement d'associations autour de nous qui recherchent des bénévoles et qui recherchent du monde pour pouvoir venir en aide aux personnes qui en ont les plus besoins, soit des personnes dans la précarité, soit des personnes SDF, ou alors simplement des personnes qui ont des trains de vie qui sont vraiment très moyens. Le fait d'intégrer ces associations-là, cela nous permet de pouvoir nous enrichir socialement et de pouvoir être confrontés directement à la réalité de la société actuelle et de nous sortir de notre petit confort habituel. Et en cela, le fait de côtoyer des personnes qui viennent de milieux différents, avec des situations de vie totalement différentes d'une autre, en cela, c'est vraiment enrichissant. On peut citer par exemple les Restos du Cœur ou la Croix-Rouge, ou alors même sur un niveau qui est totalement différent, mais c'est aussi une association. On peut citer Tiss et Métis, qui a pour but vraiment de pouvoir mélanger le côté culturel entre différents pays, aussi par le biais de la musique et de l'événementiel. Mais dans les deux cas, et encore plus dans le cas de Tiss et Métis, c'est vraiment dans un cas de mélange social, de mélange international, de mélange multiculturel, et je pense que chacun des partis peut toujours apporter à l'autre. Et même si on doit passer par le fait d'être confronté vraiment à la réalité de la société, ce n'est pas obligatoirement négatif. On peut aussi passer par cela, par le divertissement et par l'entraide. Et maintenant, si on aborde le côté professionnel, il faut savoir que l'on a du recours, que l'on peut avoir des secours si jamais on est en face de discrimination. Si jamais on est confronté à de la discrimination, soit par rapport à notre façon d'être d'une manière globale, soit par rapport à notre façon de travailler, soit par rapport à de la discrimination physique sur le long terme, on peut avoir plusieurs recours. Dans ce cadre-là, il faut contacter soit des syndicats, ou alors si jamais on n'est pas syndiqué, on peut se retourner vers l'inspection du travail, qui sera là pour venir voir sur place comment est-ce que cela se passe, qu'est-ce que l'on peut nous reprocher, ou alors qu'est-ce que l'on ressent sur le côté professionnel. L'inspection du travail nous mettra en relation après avec des avocats, ou alors ils vont travailler avec eux pour pouvoir nous défendre. En parallèle de cela, il y a aussi les prud'hommes, qui seront là pour éditer tous les textes de loi et pour pouvoir trouver un appui concret et réel par rapport à ce que dit la loi, à quel niveau est-ce qu'ils peuvent intervenir. Tout en sachant que les délais peuvent être quand même assez longs. Il faut bien prendre conscience de cela. Dans le cadre de la préparation de ce podcast, j'appelais des conseils prud'homaux qui m'ont dit que les temps d'intervention et de mise en place peuvent être assez longs. Par exemple, aujourd'hui, on est le 19 mai 2020, et si jamais cela doit passer par un jugement, les prochaines affaires qui pourront être vraiment mises en jugement, cela ne sera pas avant début 2021. Car simplement, en cette période-là, il y a énormément de problèmes au niveau du personnel, aussi bien dans les entreprises publiques que privées. C'est pour cela que les temps de gestion peuvent être vraiment très longs, mais si jamais on est confronté à de la discrimination, il faut savoir que l'on n'est pas seul et que l'on peut toujours se faire aider à partir du moment où l'on est confronté à de la discrimination dans le cadre du travail. Et voilà, ce podcast est bientôt terminé. J'espère que vous aurez bien apprécié. En tout cas, simplement pour pouvoir terminer un petit peu, il y a une chose que j'aimerais vous mettre en évidence. Pour toutes les personnes qui ont la faculté, plus ou moins mauvaise, de pouvoir mettre en évidence des défauts que les personnes extérieures ont et qui peuvent discriminer certaines personnes par rapport à cela. Par rapport à tous les types de discrimination que l'on a pu voir au début du podcast, sur l'ensemble de la petite dizaine de discriminations que l'on peut reprocher à l'autre, il y en a bien certaines que nous-mêmes on a. Si on se regarde bien, si on regarde bien comment est-ce que l'on est, d'une manière globale, aussi bien physiquement, intellectuellement, moralement ou alors généralement, ce que l'on peut reprocher à d'autres, il y a d'autres points que nous, on pourrait nous reprocher. Donc, je vous pose la question, cela sert à quoi à la fin? Pourquoi casser et descendre d'autres personnes alors que nous-mêmes, on est très loin d'être irréprochables? Voilà, j'espère que vous aurez bien profité de ce podcast. Et je vous dis à bientôt sur un tout nouveau thème.